Je voudrais vous présenter le vénérable Sayado Upanyasami. S'il se trouve ici aujourd'hui, c'est à la demande du vénérable Sayado Upandita, qui lui a demandé de diriger les retraites de méditation ici en France, au centre Sakyamuni, celle qui a eu lieu en Amérique, au centre de méditation Tathagata de Californie. Le vénérable Upanyasami est l'élève du vénérable Sayado Upandita depuis très longtemps. Il a commencé à se mettre sous la guidance de Sayado Upandita dès son jeune âge, lorsqu'il était encore un novice, un samanera. Le vénérable Upanyasami est resté au centre Mahasi de Yangon pendant 11 ans. Il fut le premier disciple du vénérable Upandita à être envoyé à l'étranger. Il a commencé par résider au Sri Lanka pendant 2 ans. Il a ensuite passé quelque temps dans un centre de méditation de Malaisie, plus exactement à Penang. Il a passé ensuite 6 ans au Royaume-Uni, puis en Australie, où il a conduit régulièrement des retraites de méditation au Blue Mountain Meditation Center de Sydney. Ce centre a été fondé par les élèves de Sayado Upandita et est très récent. Le vénérable Upanyasami a ensuite été envoyé dans un centre de méditation de Singapour pendant 2 ans. Et enfin, il est retourné en Australie et est actuellement l'abbé de Panditarama à Sydney. Ce centre Panditarama de Sydney a été inauguré en 2000. Tout récemment, en novembre 2002, un autre Panditarama a été ouvert en Australie, à Melbourne. Vous devez donc vous rendre compte que le vénérable Upanyasami a vécu pendant très longtemps en Occident et qu'il enseigne à l'étranger depuis plus de 20 ans. Ceci est extrêmement rare pour un moine birman. C'est le vénérable Upandita qui a décidé de ne se rendre ni en Europe ni en Amérique cette année, mais d'envoyer le vénérable Upanyasami à sa place. Le vénérable Upanyasami dirigera donc la retraite non seulement ici au centre Sakyamuni de France, mais il ira également pour toutes sortes d'activités du Dhamma à Vienne. Il dirigera une retraite de méditation en Hongrie et se rendra ensuite en Italie. Nous sommes très heureux de l'accueillir ici et je voudrais ajouter que c'est en 1993 que le vénérable Upanyasami, accompagné du vénérable Upandita, a visité pour la première fois le centre Sakyamuni. I am very happy to have our yogis here. This morning I came here from America. As soon as I finished 2 weeks retreat at the Tathagata Meditation Center. Je suis très heureux de me trouver ici. Je suis arrivé ce matin d'Amérique où j'ai dirigé une retraite de méditation pendant 12 jours au centre de méditation Tathagata de Californie. Les yogis ont été très heureux de cette retraite. Le vénérable Sayado Upandita ne pourra venir ni en Europe ni en Amérique cette année. C'est pourquoi il m'a demandé de le remplacer. Je lui suis très reconnaissant de me donner ainsi l'occasion d'enseigner le Dhamma à Sakyamuni. Aujourd'hui, je suis fatigué et je ne pourrai donc pas faire un sermon très long. Je vais simplement faire une introduction à la retraite. La méditation que nous enseignons est celle qui a été exposée par le Bouddha dans le Satipatthana Sutta. Feu le vénérable Mahasi Sayadaw nous offre une méthode qui se base sur ce sutta. Ce soir, je parlerai brièvement des bénéfices de la pratique de Satipatthana. Lorsque le Bouddha a enseigné le Satipatthana Sutta, il a commencé par énoncer les bénéfices de cette pratique. Par respect pour le Bouddha, pour le Dhamma et pour la Sangha, je vais réciter le Satipatthana Sutta. Ekayeno ayam bhikkhave mekho sattana visuddhiya soka paridevana samadekamaya dukkha dhammanasana athinkamaya nyayasa adhikamaya nibbanasa sacchikriyaya yadidan cattaro satipatthana. Le texte dit ceci: Bhikkhu, Satipatthana est le seul chemin qui amène à la purification des êtres, à la victoire sur le chagrin et les lamentations, à la destruction de la douleur physique et mentale, à la réalisation du noble chemin et du noble fruit, et à Nibbana. Ce chemin, ce sont les quatre établissements de l'attention. De son illumination à sa mort, par grande compassion, le Bouddha a enseigné le Dhamma pendant 45 ans. Il a fait 84 000 sermons dans lesquels il parle de quatre groupes: Dana, la générosité, Sila, la moralité, Samatha, la concentration, et Vipassana, la vision pénétrante. Si on analyse son enseignement, on pourra y lire que Dana à elle seule ne peut pas amener la libération, que Sila, la moralité, ne peut pas à elle seule amener la libération, que Samatha, la concentration, ne peut pas à elle seule amener la libération. Pour se libérer de la souffrance, il faut la vision intérieure, Vipassana. En pali, on parle de Ekayana. C'est un mot composé qui comprend deux parties, Eka qui veut dire unique, seul, et Ayana qui veut dire chemin. Ekayana veut donc dire un seul chemin pour se libérer. La méditation Satipatthana Vipassana, autrement dit les quatre établissements de l'attention, sont donc le seul chemin pour se libérer. Les quatre établissements de l'attention sont donc le seul chemin. C'est un chemin sans détour. Comme je viens de le dire, ni Dana, ni Sila, ni Samatha ne suffisent. Seul Sati, les quatre établissements de l'attention, permettent de se libérer. On dit donc que c'est un chemin qui est unique, c'est le seul chemin, il est Eka. Mais Eka peut également vouloir dire solitaire, la personne est toute seule. Vous serez donc seul. Vous pourriez vous demander comment se fait-il que nous soyons seuls alors que nous sommes ici à méditer en groupe. Vous essayez d'être attentif aux phénomènes physiques et mentaux qui se manifestent. Vous essayez de garder votre attention sur ces objets. Si vous êtes bien concentré, vous ne pensez à rien d'autre. Vous êtes donc seul. Seul avec votre attention. C'est cela la signification de Ekayana. Ceci est donc une petite introduction et cela suffit pour ce soir. I think that's enough for today, just for introduction. Chin-tun. 1993 et en 1995, il a accompagné son professeur, le vénérable Upandita, au Massachusetts pour des retraites. Le matin, on récitait Itipiso, les qualités du Dhamma, du Bouddha et de la Sangha. Le vénérable Upanyasami a pu remarquer que les yogis appréciaient beaucoup. Il avait également été convenu que pendant la retraite, on chanterait Marana Nusati, la contemplation sur l'imminence de la mort. La mort est certaine alors que la vie est courte et incertaine. La vie se terminera par la mort, la vie ne durera pas, la mort est inévitable. Le vénérable Upanyasati a remarqué que certains yogis se sentaient mal à l'aise. Il leur a demandé d'être patients et après quelque temps, il a pu remarquer que ces yogis chantaient volontiers non seulement Buddha Nusati mais également Marana Nusati. Il vous demande donc d'accepter qu'il introduise ces deux pratiques dans la retraite ici à Sakyamuni.